Bonjour, c'est Fawn. Avant de commencer le podcast, je t'invite à laisser un avis sur iTunes Podcast, je sais pas comment on appelle ça, et toutefois aussi d'aller sur le formulaire et de poser une question s'il y a quelque chose qui t'intéresse, si t'as un besoin en particulier que j'aimerais que tu répondes, que j'y réponde. Du coup, maintenant on va parler de comment savoir se faire entendre en étant artiste, en étant créateur, en étant juste soi-même en soi et on aimerait poster des choses sur internet tout. Du coup, je bégaye, mais en fait, t'aimerais poster des trucs sur internet et t'aimerais que les gens t'écoutent. Et comment on peut faire ça? Comment on fait pour que les gens comprennent ce que tu leur envoies, ce que tu essaies de montrer? Et c'est tout simple en fait. Il faut déjà que tu comprennes une chose, ton art ne parlera jamais de lui-même. Si tu n'es pas capable d'expliquer ce que tu fais ou ce que tu as fait, les gens ne comprendront pas. C'est comme l'art moderne. Franchement, l'art moderne, tu vois un morceau de toilette. Tu comprends pas ce que ça veut dire, tu vois juste un morceau de toilette. C'est seulement à partir du moment que tu iras la petite légende qui est en dessous du morceau de toilette, tu comprendras où voulait en venir l'artiste qui a posé ce morceau de truc. C'est de l'art moderne, c'est complexe, et même un peu inutile à mon goût, mais on n'en est pas loin en fait. L'art en général, si t'es pas capable de l'expliquer correctement, si t'es pas capable d'expliquer quel message tu veux voulu faire passer, ou tu veux faire passer, bah les gens ne comprendront pas, et du coup ça accroche pas. Et c'est là tout le truc vicieux en fait, c'est que s'ils comprennent pas, ils n'auront aucun retour sentimental, ils s'identifieront pas, et du coup ça va pas leur intéresser, ils vont passer à côté. Du coup, ton art ne parle pas de lui-même, c'est comme ça qu'on se fait entendre, c'est les gens doivent comprendre de manière simple. Et c'est là où on arrive à un autre point, c'est pour ça que j'aime pas l'art moderne en fait, c'est que l'art moderne, tu comprends pas, c'est trop complexe. Et on pense que plus c'est complexe, plus les mots sont compliqués, plus tu penses que tu es intelligent. Enfin, plus on pense que les choses sont intelligentes, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Les choses intelligentes, ce sont les choses simples. Si tu es capable d'expliquer ça à un enfant de 5 ans, tu es capable d'expliquer ton art à un enfant de 5 ans, c'est que t'as tout gagné. C'est-à-dire que tu as des mots de base simples, que tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir des mots compliqués, de pédants, de personnes entre guillemets intelligentes. Le but, c'est que genre les gens comprennent ce que tu fais. Et que le plus de personnes comprennent ce que tu fais. Et c'est ça qui est intéressant. Après, ça c'est la communication de base, c'est savoir parler de manière simple. Et là on en arrive à un autre point, c'est de quoi est-ce que tu veux parler essentiellement? Est-ce que tu veux parler de ton art? Ou est-ce que tu veux parler de la bouffe, de la merde que tu as bouffée hier soir? C'est là. En fait, il faut que tu parles de ce que t'aimes, de tes passions, des choses que tu fais. Qu'est-ce que tu aimes faire aujourd'hui? Et il faut vraiment que tu commences à te dire cette optique-là. Imaginons que tu as un compte Instagram aujourd'hui, tu vas pas te mettre à poster des photos de ton chat alors que ton compte est essentiellement fait pour le piano ou fait pour prendre des photos de lampadaires. L'idée, c'est de te focus sur ce que tu veux parler et parle essentiellement de ta passion. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est pour ça que les gens viennent. Mets-toi à la place de la personne qui va voir ton compte, qui va voir tes produits, qui va voir tes créations. Et qu'est-ce qu'il va se dire en fait? Est-ce qu'il va se dire que oui, il prend des photos de lampadaires, de tous les lampadaires du monde? C'est un exemple, c'est un délire que j'ai. Mais imaginons que tu ouvres un compte Instagram où tu prends des photos de lampadaires et qu'il vient voir ça, il trouve ça cool. Du coup, il reste pour ça. Mais par contre, si tu te mets à poster des photos de ton chat, il va s'en battre les couilles parce que lui, tout ce qu'il voulait voir, c'était les lampadaires. Cette idée est un peu farfelue, mais je sens que ça va rester en tête. Du coup, parle de ce que t'aimes. Parle du processus et pas totalement du résultat final. Qu'est-ce que j'entends par processus? J'entends de comment t'en es arrivé à trouver ce lampadaire-là, à qu'est-ce que t'as fait pour en arriver à là, quel est le voyage, l'histoire qu'il y a derrière. Savoir raconter une histoire, c'est aussi quelque chose de très intéressant qui mettra beaucoup en valeur tes créations, ton art. Si je peux donner un exemple pour les artistes, pour les personnes qui sont plus visuelles, je sais pas si vous voyez ce que c'est un concept art de jeu vidéo. En fait, si tu veux, c'est une fiche où ils ont dessiné plusieurs personnages du jeu vidéo qu'ils vont faire. Et ce sont des esquisses, ce sont des croquis, des idées qu'ils mettront plus tard ou qui ne mettront pas. Et ça, je sais que ça intéresse beaucoup les gens, les croquis, les brouillons, les idées que t'as eues. C'est genre, imaginons que tu prends ta série préférée aujourd'hui, tu prends ton film ou ta série préférée aujourd'hui, et tu vois toutes les idées qu'ils ont eues. Et tu vois qu'il y avait des idées qui étaient vraiment cool, mais qui sont pas passées. Et tu vois qu'en fait ça t'intéresse, et tu t'imagines comment ça aurait été avec ces idées. Et c'est ça qui est cool, montrer le processus, montrer de comment tu arrives d'un point A à un point B, et mettre ce qu'il y a entre deux, c'est du contenu, ça peut toujours être intéressant pour les personnes qui aiment ce que tu fais. Tout ça pour résumer qu'il faut savoir simplifier ce que tu dis. Il faut parler de essentiellement de ce que tu aimes, de ce que, enfin, faut parler de ce que ton audience s'intéresse, c'est-à-dire ton art, tes dessins, tes tout ça. Du coup, de ce que tu aimes et de ce que tu veux partager aux gens. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas partager essentiellement, c'est-à-dire le processus, les résultats finaux et tout ça. Après, bien sûr, tu trouves des stratégies. Demain, on parlera de ton écosystème social et du mythe du créateur solitaire, qui est quelque chose que j'ai compris il y a un petit moment quand même, que en fait, un artiste, qu'il soit quel qu'il soit, photographe, dessineux, enfin, en principe, quand tu dessines ou quand tu joues du piano, c'est quelque chose de très solitaire. Mais il y a quelque chose qui m'a fait très vite progresser, c'est de parler de ça à des personnes qui étaient aussi intéressées. C'est en fait se créer un écosystème de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais tout en faisant des. Et eux font des choses différentes. Je sais pas si t'arrives à me suivre à ce niveau-là. Du coup, on va parler de ça. Du coup, je suis aussi en train de préparer à côté une formation. La formation de la semaine passée n'est pas. La semaine passée n'est pas sortie parce que j'ai eu quelques contraintes. Et du coup, la prochaine formation sera essentiellement sur le partage. Mais j'en reparlerai demain essentiellement. Du coup, je te laisse et je t'invite toujours à laisser ton avis et d'aller regarder le formulaire qui est en dessous en description. Du coup, je te laisse et à demain.